Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Podcast Science, épisode numéro 10. Toujours en compagnie de mes deux acolytes, salut Professeur Fun, salut Antoine. Salut Salut, Mathieu, salut, salut. Salut Antoine, bonjour tout le monde. Vous allez bien? Tout va bien, ouais, bonne semaine. Mm-hmm. On va peut-être commencer ce podcast par tes remerciements habituels, non, Professeur Fun? Ouais, alors une longue liste de remerciements cette semaine. On va commencer par Olivier Tripet, pardon, qui nous a fourni une excellente vidéo supplémentaire pour le dossier sur le poulpe. Une vidéo qui met en scène les talents d'imitateur du poulpe, donc qu'on a ajouté au dossier. Elle est disponible sur le site web. Remerciements également à Jenny Parker, qui est fan du podcast en général et du dossier de Mathieu, évidemment, sur la théorie des cordes en particulier. Il a un super succès, ton dossier sur la théorie des cordes, encore maintenant. Jenny nous propose de remettre en question la constante de 30 minutes. Pour rappel, la constante de 30 minutes, c'est les 30 minutes de durée du podcast. Exactement. Donc, je vous propose qu'on en parle à la fin de l'émission. Remerciements évidemment à nos amis de NipTech avec un petit erratum. Je ne sais pas comment j'ai fait, j'ai réussi à parler de podcast sur la technique. C'est un podcast sur la technologie et puis bien au-delà de la technologie, ça parle aussi des startups, des enjeux sociaux liés à la tech. Voilà, si vous n'êtes pas encore accro à NipTech, c'est maintenant ou jamais. Un petit remerciement à Michel Favet également. Ah, qui ça c'est mon de papa. La famille, voilà. Ah, d'accord. On se demandait d'où ça venait. Bah, il nous a mis un commentaire encourageant sur le site. Ouais, je l'ai lu, ouais. Ouais, très sympa. Remerciements évidemment aussi à nos amis de Twitter, les fidèles, Xavier Agnès, Ateraki, Jean-Philippe Girard, Alexis Perrier, Psychophénix, Franck Pascot, qui nous a recommandé d'ailleurs de suivre les tweets de Eric Ferlinde. C'est un physicien théorique qui remet en question la gravitation en tant que force fondamentale. Super intéressant. Il y a un dossier dans Science et Vie sur ce sujet et sur ce personnage en particulier. C'est celui du mois de septembre. Je vous en recommande la lecture. Et puis, remerciements à la Minute Science également, un flux très chouette à suivre sur Twitter, qui parle également de science, et puis qui nous fait un petit coucou de temps en temps. Nos amis de Facebook, Cristovao Mendes Ribeiro, qui a toujours un petit mot sympa à dire, Julien Mathieu Beaugiro, Caroline Grapp. Et puis, sur iTunes France, on a également eu des commentaires. Nous, on n'y a pas accès depuis la Suisse, en fait, Mathieu et moi, mais toi, tu y as accès, Antoine ? Ah oui, moi j'ai accès, et d'iTunes France, il y a Thibaut Latête qui a envoyé vraiment un très beau commentaire. Alors je vous le lis. Podcast génial pour découvrir la science sous toutes les coutures. Continuez comme ça et innovez. Bah, voilà. Excellent, cool, super, merci bien. Non, super cool. Ouais, merci beaucoup. Ben, merci donc à tous les fidèles et puis bienvenue à nos nouveaux auditeurs qui sont à chaque fois plus nombreux. Mathieu, je crois que tu veux faire un petit point sur les stats. Ah ouais, justement à propos de nombre, vu que c'est l'épisode numéro 10, c'est l'heure d'un mini bilan statistique pour voir un peu qui nous visite, qui nous écoute. Donc j'ai un peu regardé les différents outils qu'on utilise et on voit qu'on a 132 abonnés à notre flux RSS qui est publié sur le site. En moyenne, on a 165 downloads par épisode. En tout, depuis le début du podcast, depuis début septembre, on a eu plus de 1600 downloads. Donc vu qu'on a 10 épisodes, ça fait en gros 165 downloads par épisode. Le dernier épisode de la semaine passée, il a eu 206 downloads. Et le record, c'est de 276 downloads pour la théorie des cordes qui ah manifestement bah a beaucoup de succès. Hein. Le grand dossier. On voit aussi que les abonnés au flux RSS, le pays le plus nombreux, c'est la France. Étonnamment, après, il y a le Royaume-Uni qui vient. Donc, on a quelques auditeurs, visiblement, qui sont abonnés à notre flux RSS depuis le Royaume-Uni. Et en troisième position, vient la Belgique. Donc, bonjour à nos auditeurs belges. Je ne savais pas qu'on avait des auditeurs belges. Une autre petite statistique, alors ça c'est Google Analytics qu'on a sur notre site, donc ça représente un peu les visites qu'on a sur notre site. On a eu 900 visites uniques depuis le lancement du podcast avec 1500 pages vues. Et là on a des visites qui viennent dans l'ordre de France, de Suisse, de Canada, de Belgique, d'Irlande, ça je pense savoir qui c'est, Ça va être de l'Iptech, je pense. Une petite idée. Ouais. Et puis, on a deux, trois petites visites en provenance d'Afrique, du Sénégal et du Maroc. Donc, je trouve ça super sympa. Salutations à l'Afrique, si vous nous écoutez. Alors, ça, c'est pour le site. Et on a, pour Facebook, on a 65 fans sur notre Facebook page et Twitter, 46 followers. Donc, voilà, en gros, pour les chiffres. Moi je trouve qu'on a pas mal de downloads, je suis assez content. Par contre Twitter, 46 followers, c'est un petit peu léger, je trouve qu'il faudrait un petit peu améliorer ça au niveau Twitter, non? Ouais, il faudrait qu'on tweete davantage. Ouais, il faudrait qu'on tweete davantage, qu'on retweete davantage aussi. Ouais, effectivement, ouais. On n'a pas toujours le temps, pas toujours le réflexe, mais effectivement, il faudrait qu'on y travaille, c'est vrai. Bon, toi Mathieu, tu as tendance à tweeter des trucs, chaque fois que tu tombes sur une vidéo sympa, tu la partages. Ouais, chaque fois, c'est pas systématique non plus, mais quand je vois des choses intéressantes, ouais, j'essaie de les partager. Ouais, ouais, bon, bah, c'est notre engagement, maintenant on va tweeter ferme. Excellent, bah, encourageant tout ça. Donc ouais, encourageant. Bon, chiffre, on fera un point, je sais pas, à la fin de l'année ou dans quelques temps, quand on aura l'épisode numéro 20. On va voir comment ça évolue. Ouais, bonne idée. Alan, je crois que tu voulais revenir sur le paradoxe de Zénon dont on avait parlé la semaine passée. Tu m'as l'air un peu traumatisé par ce paradoxe. Ouais, tout à fait. En fait, vous l'avez remarqué, hein, j'étais un peu focalisé sur les pieds d'Achille la semaine dernière. Donc une tortue et un pied étant à peu près de la même longueur et aucune précision n'ayant été donnée dans la consigne quant à quelle extrémité de la tortue ou du pied était concernée. Moi, j'étais d'avis que l'application pratique de la moitié théorique était difficile à vérifier, tenant compte de la longueur des pas d'Achille, de la vitesse respective des deux créatures, la plus rapide étant derrière. Bref, la métaphore de Zénon, honnêtement, m'a pas beaucoup parlé. J'ai peut-être une imagination trop focalisée sur les détails, je sais pas. Par contre, le problème m'a obsédé à deux reprises la semaine dernière. D'une part, en courant un semi-marathon où j'arrêtais pas d'imaginer arriver à la moitié de la distance d'un copain qui était devant, de quelqu'un que je connaissais qui était derrière. Et puis surtout, le lendemain matin de l'émission, en fait, sous la douche, où je me disais que si la vitesse était constante entre le rattrapant et le rattrapé, et qu'on mesurait quelque chose de moins tangible qu'une godasse, alors éventuellement ça pourrait marcher. Puis j'ai pensé à des différences d'âge, en me souvenant d'une réflexion de ma fille quand elle a eu son anniversaire de 3 ou 4 ans. Elle était très contente parce qu'elle allait bientôt pouvoir rattraper son frère qui est de 5 ans son aîné. Donc voilà, ça m'a travaillé, mais je me suis dit, bah tiens, si on prend un exemple, c'est un exemple qu'on connaît, Mathieu et moi, on a le même âge, on est des vieux, on a exactement 16 ans de plus qu'Antoine, qui donc est un jeune, mais lorsque Mathieu et moi avions 32 ans, bah, Antoine en avait 16, soit la moitié. Quand Antoine sera vieux à son tour, à 48 ans, nous on en aura 64, on sera toujours vieux, il aura réduit l'écart de moitié. Il aura plus la moitié de notre âge, mais il aura les trois quarts de notre âge, donc la moitié de la moitié. Et cher Antoine, même quand tu souffleras tes 112 bougies, si nous on est toujours de ce monde, ben, tu n'auras encore pas rattrapé la moitié de la moitié, tu en seras au 7/8 de nos 128 ans. Puis évidemment, si on meurt, ben, ça ne vaut pas, ça compte pas. Parce que si vous mourrez, je vous rattrape, c'est ça? Eh bah ouais, non, ouais. Non, le compteur s'arrête, t'as plus le droit de jouer. D'accord, non mais vraiment sympa ton image là, le xénon de l'âge, c'est vraiment super. Ouais, bah tu vois, je me disais que si on devait connaître le transhumanisme et puis qu'on avait la possibilité d'uploader nos pauvres vieux cerveaux sur des serveurs, probablement ceux de Google, pour continuer de cogiter à l'abri du temps, bah même à l'âge de 1584 ans, tu n'auras jamais que 99% de notre âge. Je dis 99 parce que d'ici là, je pense que les Français se seront adaptés, ils parleront normalement. On pourra continuer comme ça jusqu'à ce qu'on ait plus de zéro après la virgule de notre division par 16. Donc on en revient à la question fondamentale de l'infini qui est quand même fini. Et bien sûr, je ne vais pas revenir là-dessus, ça c'est la spécialité de Mathieu qu'il a déjà abondamment traité la semaine dernière. Donc bref, voilà, je ne voulais pas critiquer Zénon, d'ailleurs c'est un peu tard pour être constructif. C'était sans doute un excellent philosophe, mais pour la métaphore, il repassera. Je trouve que la mienne est quand même bien plus évocatrice. Voilà, donc en fait, la différence d'âge relative se réduit d'année en année. Ouais, mais sans jamais arriver à moins que quelqu'un meure, sans jamais arriver au bout, quoi. On est toujours à des moitiés de moitié. Parce qu'on avance tous à la même vitesse, on vieillit tous à la même vitesse. Donc là, il n'y en a pas un qui pourra rattraper l'autre. Dans quel sens ça va déjà? C'est Antoine qui doit aller faire un petit tour Oui, à la vitesse de la lumière, c'est ça? voilà, c'est moi. Voilà, et tu vas vieillir, t'as peut-être une chance de nous rattraper. Hein. Voilà, écoute, j'espère que tu vas pas faire des cauchemars avec ce paradoxe de Zénon, parce que c'était pas le but non plus. Non, c'est bon, là c'est sorti, ça va mieux. Voilà. Alors aujourd'hui, on va rentrer un peu dans le vif du sujet, non? Ça va être un podcast visiblement qui va traiter de sujets liés à la psychologie. Est-ce que je me trompe, Antoine? C'est quoi ton sujet? Ah oui, non, c'est totalement simple parce que moi, c'est la peur. Ouh, la peur, ouais. Oui, la peur, oui. Donc je commence, c'est bon? Vas-y, ouais, on t'écoute. Ok. On est tout Alors, ouïe. donc je disais que le week-end dernier, alors c'était Halloween, et moi je sais pas vous, mais moi j'adore vraiment cette fête. Alors c'est peut-être parce que c'est l'occasion de se gaver de bonbons sans culpabiliser, mais c'est aussi surtout parce qu'on y célèbre une émotion que tout le monde connaît, la peur. Mais qu'est-ce que la peur? Ouais, comment est-ce qu'elle agit sur nous? Pourquoi la ressentons-nous? Et là, on se rend vite compte qu'il n'est vraiment pas facile de répondre à ces questions. En fait, la peur, c'est un mécanisme de défense face à une menace, qu'elle soit réelle ou non. Alors imaginez que vous vous promenez en forêt. Tout à coup, vous apercevez un serpent. Le stimulus sensoriel, la vue du serpent donc, va alors emprunter deux chemins dans votre cerveau, la voie rapide et la voie longue. Alors, je vais d'abord dire la voie rapide. La voie rapide, elle aboutit directement au complexe amygdalien dans le lobe temporal. Celui-ci va activer directement la réponse de l'organisme. On se met à avoir peur. La voie longue, quant à elle, passe par les cortex sensoriels qui vont analyser le stimulus pour savoir si c'était bien un serpent ou juste une branche d'arbre. L'information arrive alors seulement aux amygdales qui accentuent ou annulent les réflexes de la peur. Vous me suivez jusque-là? Ouais, d'accord. Donc on a d'abord peur et ensuite on comprend de quoi il s'agit. Voilà, c'est ça, c'est exactement Ok. ça. Et maintenant, voyons ce qui se passe dans le reste du corps. Si on peut dire que le complexe amygdalien est le chef d'orchestre de la peur, sa baguette serait sans nul doute une hormone qu'on connaît tous, l'adrénaline, qui va se déverser dans tout l'organisme au moindre signal de danger. Alors, de concert, tout le corps va se préparer. Le cœur s'emballe, la respiration accélère, le foie libère du glucose. Grâce à tout ça, le sang va devenir un véritable cocktail énergétique pour nos muscles et notre cerveau. On est fin prêt donc à répondre à la menace, le serpent, par la fuite ou l'affrontement. Alors d'ailleurs, les organes qui ne servent pas à cette réponse vont eux aussi participer à ce qu'on appelle enfin, l'effort de guerre. Ils vont se mettre au repos. C'est pour ça qu'on devient pâle et qu'on a le ventre noué, vous savez. C'est parce que le sang qui a quitté le visage et le système digestif, il s'est arrêté, en fait. C'est comme ça. D'accord. Et donc là, on comprend que la peur, c'est un système défensif qui est mis en place pour notre survie. Donc ça remonte au temps très ancien. Mais elle a un tout autre rôle aujourd'hui. Elle est indispensable au développement de l'enfant. À votre avis, pourquoi? Pourquoi est-ce que la peur est indispensable au développement de l'enfant? Ouais. Alors, si on ne les menaçait pas d'une grosse voix de temps à autre, je pense qu'ils n'iraient jamais se coucher, ils feraient que bouffer des bonbons. C'est ça? Moi, je parle plutôt du nourrisson, celui qui a quelques Ah mois d'accord. à quelques mois de sa vie. Alors, en fait, Bah c'est la peur de perdre les gens qui le nourrissent, qui lui permettent de survivre, non, non? c'est plus fondamental que ça, en fait. D'accord. C'est alors, tout d'abord, le nourrisson, il pense qu'il ne fait qu'un avec le monde qui l'entoure, en fait. Donc, il ne se différencie pas de sa mère, il ne se différencie pas du monde. Donc, chaque fois que nous, autres humains, on interagit avec son environnement, on crée chez lui une peur qui s'appelle l'angoisse de morcellement. Et en fait, en surmontant petit à petit cette peur, il va définir petit à petit les limites de son individualité, vous voyez? Il va D'accord. devenir il va, les limites de son soi à lui, par rapport aux autres. Et donc, c'est super important. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que tout au long de son enfance, des peurs différentes vont l'accompagner. D'ailleurs, je mettrai un tableau récapitulatif sur le blog. On peut d'ailleurs citer, pour exemple, la peur des visages inconnus à 7 mois, celle des bruits forts comme l'aspirateur à 2 ans, ou encore la peur de l'échec scolaire à 8 ans. Et c'est sur de cette dernière peur que j'aimerais finir mon sujet, en fait. Ken Robinson en parle vraiment très bien dans une conférence TED sur l'éducation. Je vous mettrai la vidéo sur le blog. Elle vaut vraiment, vraiment le détour. Alors, dans son discours, Ken Robinson nous incite vraiment à surmonter cette peur de l'erreur. Vous voyez, à revenir dans le même état d'esprit qu'un enfant de 7 ans qui n'avait pas peur de se tromper, pas peur d'essayer. En grandissant, vu que les peurs nous accompagnent, on a perdu cette capacité à se tromper sans crainte. Et si on pouvait surmonter cette peur, on pourrait alors vraiment exprimer toute notre créativité, tout ça. Et je pense que j'ai choisi cette fin parce que c'était en écho avec ta quote de la semaine dernière, je crois, hein, Mathieu. Ouais. Sur l'expert qui a. Ouais, exactement, ouais. Qui a commis toutes les erreurs possibles dans un domaine donné. Voilà, et je trouvais ça vraiment super. Alors, j'invite vraiment tout le monde à regarder cette vidéo de Ken Robinson sur l'éducation qui est vraiment super. Je la mettrai sur le blog. Donc, c'est qui Ken Robinson ? Je ne connais pas, c'est un pédagogue, un psychologue ? Je crois que c'est un psychologue britannique. D'accord. Et il a fait une des conférences qui m'a le plus inspiré de TED sur l'éducation, qui est pleine de bon sens et c'est vraiment super sympa. Et donc, en résumé, la peur chez un nourrisson, ça lui permet de prendre conscience de lui-même. Voilà, en fait, il est rattaché, normalement, dès la naissance, il est rattaché à sa mère, il est fusionnel totalement à sa mère et au monde qui l'entoure. Il ne sait pas ce qui est lui, qui n'est pas lui. Mais comme on interagit avec cet environnement, il se rend compte que là, on n'interagit pas avec lui en posant son biberon sur une table, par exemple. Il commence à se rendre compte et en fait, il surmonte cette angoisse de morcellement. D'accord, c'est intéressant ça. Ouais. Et après, forcément, au cours du temps, il y a des facteurs sociaux, comme tu l'as dit, la peur de l'échec, tout ça, ça c'est plus des facteurs sociaux qui nous influencent sur nos... Vous verrez le tableau, il y a vraiment des peurs caractéristiques à différents âges en fait. Et c'est super intéressant et j'ai voulu faire ce sujet parce que c'était aussi un petit hommage à ce que j'avais fait, ça remonte à 5 ans, c'était en TPE. J'avais pris ce sujet et j'avais vraiment adoré traverser les méandres du cerveau. Alors attends, pour les autres francophones qui n'utilisent pas les mêmes acronymes, c'est quoi un TPE? Ah oui. Un TPE, c'est travaux personnels encadrés en fait. C'est en année terminale, donc juste avant le bac, c'est sur 6 mois, on planche sur un sujet et pluridisciplinaire. Et j'avais choisi la peur, qui est donc la biologie et la psychologie. D'accord. Voilà. Ah, chouette. Voilà. Super sujet. Mm-hmm. Ouais. Ben, sans transition, on va passer au sujet d'Alan, non ? Ouais, alors qui est dans la psychologie aussi, c'est rigolo, on ne s'est pas concerté pourtant. Pas du tout, ouais. Ouais. Alors moi, je voulais vous parler des biais cognitifs. C'est pas vraiment un sujet d'actualité, mais voilà, c'est une petite réflexion qui, elle aussi, a tendance à m'obséder sur ces aspects psychologiques et neurologiques de la pensée humaine qui font nos qualités, nos défauts, particulièrement dans notre compréhension des mystères de ce monde. Je sais pas, vous êtes jamais agacé par quelqu'un qui vient vous dire, juste après la découverte d'un nouvel élément, « Ah, mais je le savais depuis le début !» Je sais pas vous, hein, mais moi j'ai en général envie de secouer la personne et puis de lui dire bah alors pourquoi tu l'as pas dit, patate. Bah c'est vrai, nouveau c'est la peur de dire une bêtise. On revient à ce que disait Antoine. Ouais, c'est vrai hein. Souvent, on a peur de pas. On a un sentiment assez juste, mais on a peur qu'il soit faux et on dit rien. Alors ça c'est une possibilité effectivement. On peut l'avoir su dès le début puis pour une raison ou une autre on l'a pas exprimé. Mais autrement on peut être victime d'un phénomène connu. C'est un biais cognitif amnésique, le biais rétrospectif. Il s'agit là d'un des nombreux biais cognitifs. Il y en a tellement en fait que c'est pas possible de tous les traiter en un seul dossier. Donc ce que je propose c'est qu'on démarre une saga. On ouvre le dossier aujourd'hui et puis on le complétera petit à petit, pas forcément dans l'épisode de la semaine prochaine, mais à chaque fois que ça vient, quoi, jusqu'à ce qu'on obtienne un bon gros vrai dossier complet comme on les aime. Donc les biais cognitifs, disais-je, on va peut-être commencer par quelques définitions. Qu'est-ce qu'un biais ? Bah, si j'en crois notre ami Wikipédia, dans diverses disciplines, un biais est une erreur systématique ou une simplification. Et cognitif, c'est l'adjectif que tout le monde utilise mais que tout le monde ne comprend pas forcément toujours. Cognitif, c'est tout ce qui se rapporte à la cognition. Pour compliquer les choses, la définition même de cognition varie énormément d'une source à l'autre. Donc, pour ma part, je retiens qu'il s'agit de l'ensemble des processus mentaux derrière le traitement de l'information. Donc, tout ce qui permet de manipuler les idées, de la perception au langage, la mémoire, le raisonnement, la prise de décision. En résumé, cognitif, ça veut dire relatif aux processus mentaux de traitement de l'information. Donc, un biais cognitif, c'est une tendance de la pensée humaine à commettre des erreurs de jugement et donc à prendre de mauvaises décisions à cause soit de raccourcis de la pensée ou alors d'influences sociales, de préjugés ou de facteurs tels que la motivation. On a commencé à parler de biais cognitif en fait en 1972, lorsque les psychologues Daniel Kahneman et Amos Tversky ont pu démontrer de manière systématique que la prise de décision ne s'appuie que partiellement sur la pensée rationnelle et le raisonnement. Et à l'époque, ça remettait en question la théorie du choix rationnel, qui était une espèce de doctrine en vogue chez les idéologues des sciences économiques. Enfin bref, c'est la démonstration, s'il en fallait une, que nos cerveaux ne sont pas des processeurs d'ordinateur. On processe pas l'information de la même manière. On a tendance à généraliser, à simplifier, à schématiser, à créer des modèles, à extrapoler. Et tout en nous participe de notre processus de décision. Pas juste des faits, pas juste de la matière objective, mais également nos émotions, nos croyances, nos expériences, nos préjugés. Et du coup, nos choix sont tout sauf rationnels. On a toujours 36 000 raisons de faire un mauvais choix. On a vu le biais rétrospectif ou l'effet « je le savais depuis le début », mais il y en a plein d'autres de ces biais cognitifs. Il y a le biais de négativité, par exemple, qui fait que les expériences négatives nous marquent plus que les expériences positives. L'exemple classique, c'est « je choisis toujours la mauvaise file à la caisse du supermarché ». Je pense que vous avez vécu ça aussi. Ça, c'est un classique. Ouais, même chose pour les bouchons sur l'autoroute. En réalité, si on tenait une statistique documentée, on s'apercevrait pour la plupart d'entre nous que la plupart du temps, en réalité, tout se passe très bien. On est dans une file qui avance aussi vite que les autres. Mais le truc, c'est que ça frappe pas l'imagination. Alors du coup, on s'en souvient pas. Par contre, le coup où ça traîne, évidemment, on s'en souvient. Puis à force de se souvenir que des expériences négatives, on finit par croire qu'on n'a jamais de chance. Donc ça, c'est un exemple que j'ai trouvé dans un livre super intéressant qui s'appelle Stumbling on Happiness de Daniel Gilbert, qui est un psychologue social américain et puis qui écrit remarquablement bien, quoi. C'est de la super vulgarisation. Le livre existe en français, il a été traduit, ça s'appelle « Et si le bonheur vous tombait dessus ?» En parlant de bonheur, il y a un autre biais, le biais d'optimisme, celui qui fait qu'on continue de se marier même si on sait que pratiquement un mariage sur deux se termine par un divorce. C'est ce même biais qui sait croire au... Ça, t'appelles ça un biais optimiste, toi ? Moi, j'appelle ça plutôt une pression sociale, non ? Ouais, c'est lié, évidemment. Mais le biais d'optimisme dans le phénomène, c'est cette tendance qu'on a à se dire « ben, moi, ça va pas m'arriver ». Tu vois, tu sais que c'est 1 sur 2, tu te dis « ok, moi, je serai le 1, je serai pas le 2 ». C'est le même biais qui fait croire aux fumeurs que le cancer, c'est pour les autres, quoi. Mm-hmm. C'est le même biais qui fait qu'on préfère croire qu'on a une chance de gagner au loto, et du coup, qu'on achète un billet, plutôt que 14 millions de chances de perdre. Ce qui... Ah, mais 100% des gagnants ont tenté leur chance. Hein. Ah ouais, bien sûr. Oui, si on part en statistique comme ça, c'est sûr. Encore une victime du biais d'optimisme. Voilà. Mais il est très traître, ce biais, hein, j'ai l'impression. Il est terrible. Donc dans ces biais, j'aime bien le biais de confirmation d'hypothèse aussi. Ça, c'est un sacré numéro, il est drôlement intéressant. En fait, c'est un phénomène qui veut qu'on cherche par tous les moyens à valider ce qu'on croit déjà. Et puis on accordera beaucoup plus d'importance à une opinion qui nous conforte dans notre croyance qu'à une opinion qui va venir la challenger. C'est un concept qui a évolué dans le temps. Donc historiquement, une série d'expériences dans les années 60 suggérait que les sujets étaient biaisés dans la mesure où ils tendaient à choisir des réponses qui confirmaient leurs croyances, comme je viens de le dire. Puis d'autres travaux par la suite ont démontré qu'il s'agit davantage d'une espèce de phénomène de pensée à sens unique, qui fait qu'une fois qu'on est branché sur une explication, on n'arrive tout simplement plus à voir la réalité autrement. C'est ce qu'on évoquait il y a, je ne sais plus, 2-3 semaines, quand tu avais fait un dossier sur Mandelbrot, Mathieu. Mm-hmm. Donc pour ma part, je suis convaincu que c'est ce fameux biais de confirmation d'hypothèse. En fait, les anglophones l'appellent juste le biais de confirmation. Ça me paraît bien plus approprié. Donc ce biais de confirmation qui a empêché tous les autres mathématiciens de découvrir la géométrie fractale, tant la géométrie euclidienne était omniprésente, et puis finalement les aveuglait, les empêchait d'explorer d'autres pistes. Donc, découvrir des choses en partant de rien semble finalement assez simple par rapport à découvrir des choses malgré l'existant. Et je me demande parfois si c'est pas ça qui empêche d'arriver à une grande théorie unifiée d'ailleurs. C'est tellement difficile de faire marche arrière une fois qu'on commence à s'accrocher à des explications. Enfin, à contrario, c'est également ce biais qui explique qu'on ne s'étonne pas de ce que Columbo sache tout de suite qui est l'assassin dans la série. C'est tout bêtement parce que nous, on le sait déjà, quoi. Alors du coup, évidemment, ça oriente notre pensée. Donc voilà, comme je le disais, ce dossier n'est pas fini. Il y a tellement de biais cognitifs fascinants comme, je sais pas, l'escalade d'engagement, par exemple. Le truc qui fait que... Le phénomène qui explique que plus on a investi et plus on continue d'investir, même si ça devient ridicule à un moment donné, même si ça, c'est un investissement qui n'a aucune chance, le fait qu'on ait déjà misé sur quelque chose, sur une idée, sur un investissement, qu'on ait déjà fait des investissements dans une vieille bagnole dont on sait qu'elle est pourrie, mais enfin voilà, on vient de refaire l'embrayage, alors on va peut-être quand même refaire le pot d'échappement. Ben ça, c'est un biais cognitif qui s'appelle l'escalade d'engagement. Donc je disais, le dossier n'est pas fini, on aura l'occasion de revenir dessus, de le compléter. En attendant, pour en savoir plus, je vous recommande une lecture assez formidable, un livre qui s'appelle Predictably Irrational de Dan Ariely, qui est disponible en français sous le titre « C'est vraiment moi qui décide ». Et qui est un ouvrage justement qui relate ce genre d'études et puis qui démontre quoi tous les biais auxquels on est sujet alors qu'on pense faire des décisions, enfin prendre des décisions qui sont basées sur la raison. Tu penses que les psychologues qui étudient ces biais arrivent eux-mêmes à s'extraire de ces biais, connaissant la matière qu'ils analysent? C'est toute la difficulté. C'est-à-dire que bon. La différence peut-être avec d'autres chercheurs, c'est qu'eux savent qu'ils sont biaisés. Donc c'est un élément qu'ils prennent en compte, quoi, qui entre dans la pondération des résultats. Mais effectivement, dans la mesure où c'est un phénomène lié au câblage du cerveau humain, ben, y a pas vraiment moyen d'y échapper, quoi. On peut juste être vigilant dans la mesure où on le connaît, mais... Voilà. Ouais. Alors, il faut déléguer les études aux poulpes, peut-être que... Eux n'ont pas ce genre de problème. Il y a le biais du... Pour revenir à la peur du sujet de la peur sur Antoine, le biais du téméraire, ou de celui qui sait qu'il y a un danger, mais il arrive à passer outre sa peur et il y va quand même en sachant qu'il peut lui arriver quelque chose. Je sais pas, il y a des gens qui aiment bien un peu le danger, prendre des risques, ça fait monter l'adrénaline et tout. Et même s'ils savent qu'il va leur arriver quelque chose, ils arrivent d'une certaine manière quand même à biaiser leur peur pour aller en avant, non ? Bah ouais, ouais, bah bon, la psychologie humaine est quand même quelque chose de complexe. Quelque chose d'assez complexe, ouais. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui sur ce petit sujet, mais très bien, podcast psychologique aujourd'hui, très bien. Ouais. Bah je vais peut-être enchaîner sur une ou deux mentions culturelles, plug culturelles, des petits événements qui se passent ce week-end ou prochainement. Alors, il y en a un qui se passe à Paris, si vous avez habité dans la région parisienne. C'est Olivier Tripet qui m'a d'ailleurs envoyé un lien pour me le signaler. C'est en fait organisé par Silicon Sentier et ça a lieu à la cantine. Et le thème, c'est culture scientifique, culture numérique, le grand mix. Donc le rendez-vous est le 5 novembre, donc demain à vendredi à partir de 19h, donc à la cantine à Paris. Et l'objectif de cette rencontre, c'est de mettre en contact différentes personnes qui travaillent sur des blogs scientifiques, sur des sites scientifiques, sur des réseaux sociaux qui ont pour thématique la science. On retrouvera Café des Sciences, Notex, Prise de Tête, OVNiScience. Donc toutes des initiatives qu'il y a sur Internet liées à la science. Et l'idée, ben, c'est tous se rencontrer là-bas, discuter, découvrir les gens qui sont derrière ces sites et essayer de voir comment le numérique, donc comment l'Internet et la recherche scientifique peuvent trouver un point commun, un chemin d'entente sur Internet. Donc voilà, donc demain 5 novembre à 19h à la cantine à Paris, organisée par Silicon Sentier. Ah, chouette, bon, c'est juste dommage pour nous que ce soit à Paris. Ouais, parce que c'est sympa, Bah ouais. il y a des blogs assez connus sur la science, il y aura des gens bien, ça peut être ça. Ouais, ça a Ouais, l'air d'être sympa, quoi. il y a le tout nouveau Onisciences là, Ouais. C'est tout nouveau qui cet fait beaucoup parler Omniscience, de lui. j'ai jeté un œil cette semaine là-dessus, ça a l'air C'est cette bien. semaine, ouais. Ouais. Cette semaine, ouais. C'est rentré directement dans mes flux RSS. Parce que ça a l'air super sympa. Donc quand on mettra le lien de cet événement sur le site de Podcast Science. Antoine, je crois que tu voulais aussi nous parler de quelque chose, non? D'un petit événement? Oui, en fait, ce n'est pas vraiment un événement, mais le site du zéro, qui est un site collaboratif de tutoriels informatiques, a ouvert une nouvelle session. Oui, c'est une nouvelle Section. section, désolé. J'en perds mon français à être avec deux Suisses. Donc, une nouvelle section, les sciences, donc, qui nous intéresse vraiment. Et avec, ils ont vraiment fait fort avec un premier sujet, c'est les maths de la sixième à la terminale. Donc, c'est un gros tutoriel sur les mathématiques pour ceux qui sont vraiment traumatisés, qui ont été vraiment traumatisés dans leur enfance. Et ça explique, donc, l'ambition, c'est d'expliquer les maths en partant vraiment de zéro. Enfin, leur zéro à eux, c'est la sixième, et en nous menant jusqu'à la terminale. Ça va se faire en plusieurs parties. Et pour avoir lu la partie sur la sixième, c'est vraiment, vraiment super bien fait. Donc, allez voir, c'est vraiment super sympa. On mettra les liens, bien sûr, sur le blog. Très bien, donc pour se Voilà. remémorer nos vieux cours de maths ou pour en savoir un peu plus si on a deux, trois lacunes. Oui. Ouais, ou Tout pour s'y ça. remettre si on était en cancre. C'est bien, moi je sens que je vais être client. Ah, ça t'intéresse, Alan? Ouais. Ouais. C'est cool. Ok, bon, on mettra tous ces liens sur le site. On arrive gentiment au terme de l'émission. Moi j'ai ma petite côte habituelle. Ah, mais on J'allais l'attend dire. avec On impatience, peut hein. pas arriver au terme de l'émission sans ta Ouais. côte, c'est pas Pas possible. possible, c'est pas possible. Ouais, parce que bon, je sais pas si on l'a déjà dit à nos auditeurs, mais en fait vous savez, vous connaissez pas la côte à l'avance, c'est toujours une surprise. Ouais, c'est Je vrai, c'est refuse pour catégoriquement de nous me la appâter. communiquer. Ouais, c'est un secret. Alors Alors. celle-ci, elle est. Si ça se trouve, beaucoup d'entre vous l'auront déjà entendue, mais elle est tellement bien que ouais, j'ai pas pu passer à côté, quoi. Alors elle est d'une personne qui a un nom, alors vraiment assez compliqué. C'est un Hollandais qui s'appelle Jan van de Snepschut. Enfin bon, le nom, on va pas trop insister. Et il a dit la chose suivante. Donc en anglais, donc Professeur Fun, comme d'habitude, tu m'aides à traduire. On va essayer. Alors ça va comme ça. In theory, there is no difference between theory and practice, but in practice, there is. C'est génial. Donc en théorie, il n'y a aucune différence entre la théorie et la pratique, mais en pratique, si. Voilà, Voilà. c'est excellent, Je la j'adore. connaissais, mais je l'adore. Ouais. Moi, je la connaissais pas, je la découvre, mais je trouve vraiment top, excellent. Donc voilà, encore une petite chose à propos de la durée du podcast, donc la constante de 30 minutes, on avait annoncé au début de ce podcast. Il y a certains de nos auditeurs qui pensent que ce serait bien, vu qu'on est trois, qu'on rallonge un petit peu la durée du podcast à 45 minutes. Donc il y a des pour, il y a des contre, il y a des personnes qui sont en faveur, d'autres moins. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a posté un petit sondage sur le site pour demander votre avis à vous, si vous préférez un podcast de 30 minutes, 45 minutes, d'une heure, plus court, plus long. Donc, n'hésitez pas à aller voter. Et d'ailleurs, pour vous inciter à aller voter, on va organiser un petit concours. Et ce petit concours consiste à nous envoyer, une fois que vous avez voté, vous nous envoyez ou un petit tweet sur notre compte Twitter, donc twitter.com/podcastscience, ou vous nous mettez un petit commentaire sur notre page Facebook Podcast Science, ou un commentaire sur notre site podcastscience.fm. Enfin bon, avec tous les moyens que vous pouvez, vous nous mettez un petit commentaire comme quoi vous avez voté, et la semaine prochaine, on fera un tirage au sort, et le gagnant aura l'honneur de recevoir un livre que le professeur Fun va choisir. Il en a un petit peu parlé, je crois, déjà. Bah ouais, moi je propose qu'on fasse gagner l'un des deux livres que j'ai évoqués, donc soit Dan Ariely, c'est vraiment moi qui décide, ou alors Daniel Gilbert, et si le bonheur vous tombait dessus. Ce sera à choix de l'auditrice ou de l'auditeur, quoi, dans la langue de son choix, dans le format de son choix, et puis on lui enverra tout ça après l'avoir tiré au sort la semaine prochaine. Donc voilà, allez voter et faites-nous savoir via notre site, via Twitter ou via Facebook ou je ne sais pas s'il y a encore une autre manière de faire. Mais faites-nous savoir. Peut-être juste et... pas par signaux de fumée parce qu'on aurait du mal à les intercepter, mais autrement tous les moyens sont bons, allez-y. Et voilà, la semaine prochaine on fera un tirage au sort, d'accord. Et puis voilà, la démocratie parlera. Ouais, la démocratie, c'est l'oppression de la minorité par la majorité, c'est ça? C'est à peu près ça, ouais. Ok, non, mais on se pliera, on se rangera à l'avis du plus grand nombre. Ouais. D'accord. Donc voilà, encore quelque chose? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, je crois qu'on est tout bon. Non, on a bien, joyeusement éclaté la constante de 30 minutes. La révolution est en marche. Ouais, on sent tout de suite qui est pour et qui est contre là. Ouais. Oui, j'ai pas voulu influencer les auditeurs, mais. Ouais, déjà au sein même de notre podcast science, il y a différents avis au sein même de nous trois, donc bon. Mais bon, on vous laisse voter, on en reparle la semaine prochaine, d'accord? Et ça marche. Alors, voilà pour aujourd'hui. Merci à vous deux pour vos sujets et puis on se retrouve la semaine prochaine, d'accord? Ça marche, on se réjouit. Allez. Une excellente semaine à tout le monde. Allez également, ciao ciao. À bientôt. Ciao.